Yen. Les Yen. 94 négas. Prends les mêmes heures, commence. La Yen, cappuccino. Tire une balle sur les pros. Direct, on pèse les forces de l'or. 9-4 pour la peine, frère qui m'épaule. Mes grosses affaires, trop les pots. La guerre dans les blocs, les porcs, les prendre et les tomes. 9-4 rigole, depuis t'es mortel. Esteur à la prod, deux fois calé dans la bouche. Stack, tu lèches la crosse, petit n'approche pas. On parle des plaques, le clan ne plaque pas. Massacre dans les packs, négro, c'est pas. Les yens des packs, enfin ils pèsent la tête. Caf, tu pèses la tête. Pédale, tu pèses la tête. Flicaille, tu pèses la tête. MC, tu pèses la tête. Les zoulous pèsent la tête. Les yens reviennent, négro, tu pèses la tête. On a le style qui flingue, fusil 94, négro, boum. Dans les filles, négro, shoot ces bitches. Les rappeurs ferment leur bouche et leur gueule de petite pute. Nous, on les pute, froid et hardcore comme dans l'affaire du plaisir. Augmente mon taux de criminalité, on dit ci, on dit ça, bref, ouais. Des banalités, mais j'y peux rien, moi. Mon rap à la couleur de la poudre, la couleur sombre depuis qu'on a rappé dans les rivières pour gangster dans la peau. C'est notre musique qui a enflammé les ghettos, les risques criminogènes pour le béton. C'est la panique, les caisses de l'État sont vides, le tiers-monde sans froc, cri, rendez-moi mon fréquier. Gangster, hostile, police, civile, on casse le beat, on brise le mythe. L'odeur du fric attire les schmitts. Balance, on nique la rue, de Dieu, c'est les yens. Marocco, algérienne, c'est l'empreinte, c'est la teinte, le doigt sur la détente. Yeah, à Paris on tire dans le tas, fuck leur loi. On te tire vers le bas, retiens mon blast, c'est Pushka. Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangs